Excellent. On est béni, vraiment. Colossiens. Dieu a ses intentions à travers ce livre pour nous. Et comme notre frère Gilles nous disait vendredi, quand on s'est rencontrés, les anciens, le Seigneur nous fait commencer, je dirais tranquillement, on dirait, hein? Il y a des choses sur lesquelles il veut vraiment qu'on arrête, qu'on y réfléchisse, il veut établir des fondements ou rétablir des fondements. C'est ce qu'on constate en tout cas. Je vais lire tout de suite le chapitre, à partir du chapitre 1 au verset 24. On va aller jusqu'au chapitre 2, verset 3 pour le moment. D'accord? Alors j'y vais. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Mon désir ce matin, je vais vous le dire dans quelques instants. Un jour, je pense que c'était en 2000, j'étais dans un camp. Si ma mémoire est bonne, c'est un camp qu'on appelait à l'époque aspirant au ministère avec Sembec, l'association. Ça a peu d'importance. C'est, je pense, en 2000, j'ai entendu un de nos frères que vous connaissez, certains d'entre vous, Monsieur Alexanian. C'est lui qui commençait la journée ce matin-là, puis a enseigné. Il avait lu dans l'Évangile de Jean, je me rappelle plus quel exactement passage, je demandais au Seigneur de m'aider à m'en rappeler, mais je m'en rappelle pas, mais je sais que c'était en Jean. Mais je me rappelle par contre, quand il a commencé à parler, c'est un frère qui, maintenant il est dans les 80, mi-80 peut-être, qui a servi le Seigneur tout son cœur et continue de le faire avec un zèle ardent. Et quand il a ouvert la bouche ce matin-là, il a dit, après qu'il a lu les paroles dans les Écritures, il a dit, « Mes frères, en parlant de Jésus maintenant, il dit, je le connais si peu. » Après toutes ces années, il a dit, « Je le connais si peu. Nous connaissons le Seigneur si peu, mes frères. » Puis ça m'avait... Écoutez, je m'en suis rappelé, là, en priant et en préparant ce que je vais vous dire ce matin, OK? Et j'ai dit, Seigneur, je vais être attentif à ce que tu es en train d'interpeller dans mon cœur et dans le cœur de l'Église. Ça m'avait un petit peu, je sais pas c'est quoi ce sentiment, mais j'ai dit, je connais si peu, ça fait je sais pas combien d'années, 60 ans, vous savez, Seigneur, Monsieur Alex Seigneur, il y a quelque chose qui m'échappe, peut-être. Et il avait raison. Et on va voir pourquoi il avait raison. Il a raison, parce qu'il est toujours vivant, là. Mais c'est ce matin, pendant que j'étais seul avec Dieu, que je me préparais pour l'enseignement de ce matin, que je me suis souvenu de ce jour-là. Donc ce matin, mon but, à travers les paroles qu'on vient de lire dans Colossiens, puis à travers plusieurs autres textes dans le Nouveau Testament, c'est que nous désirions mieux connaître Christ, OK, ensemble, que ce soit l'objet principal, notre but quotidien et ultime. OK, c'est volontaire, là, notre but quotidien et ultime, d'accord? Ouais, je pense que vous avez saisi, là. Il y a dans le passage qu'on vient de lire, chapitre 2 particulièrement, Paul écrit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, dans le but qu'ils aient, un, le cœur rempli de consolation, deux, qu'ils soient unis dans l'amour, et trois, qu'ils aient une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » OK? Savoir Christ. Christian, c'est la semaine passée, Christian a prêché, je ne me trompe pas, il a parlé du mystère de Dieu. Et on n'a pas fini d'en parler, je crois, sincèrement. C'est un mystère qui est riche, qui englobe, il y a plein de nuances, plein de facettes à ce mystère-là de Dieu. Christian a abordé l'aspect, ce que j'en retiens. Nous étions détachés, étrangers à la vie de Dieu, OK? Par nos mauvaises œuvres, par nos pensées, par notre péché. Christ nous a amenés par le sang de sa croix. Il a rétabli la paix, nous avec Dieu, nous avec le peuple qui avait eu reçu les promesses, c'est-à-dire les Juifs. Il a fait de nous un peuple par le sang de la croix de Christ. OK? On a accès auprès du Père ensemble par le même esprit maintenant. C'est un peu le... Et il cherchait à nous faire voir c'est quoi la glorieuse richesse, c'est quoi qui est si précieux là-dedans. Et il me semble que ça devrait nous... Ce que ça nous montre, c'est le cœur de Dieu en réalité. Ça nous montre ce qui anime le Seigneur depuis le commencement, depuis le jour où il a créé le monde. D'accord? Je le résume dans mes mots. Je veux continuer sur l'aspect du mystère, mais avec une facette peut-être un petit peu nuancée différemment. Et c'est l'aspect de connaître le mystère. Verset 2 du chapitre 2, un des buts pour lequel Paul désire que les Colossiens sachent quel grand combat il soutient pour eux. Et on peut se dire, c'est quoi le combat qu'il soutient? Il est en prison pour l'Évangile. Il paye de sa vie. On l'a regardé dans 2 Corinthiens, il me semble qu'on a regardé quand même en détail ce que Paul et Timothée et les autres frères, mais particulièrement Paul, vivent, expérimentent à cause du nom du Seigneur, à cause de l'Évangile. Et il nous dit dans le chapitre 1 que les souffrances qu'il a pour vous, OK, chapitre verset 24, ce qu'on a lu, « Je me réjouis des souffrances pour vous. » OK? Donc, pour l'Église. Parce que Mme Bélan, sa question la semaine passée, c'était « Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais rappelez-vous, dans Acte 9, quand le Seigneur Jésus intervient et arrête Paul sur le chemin, qu'est-ce qu'il lui dit? Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu? Qui est-il en train de persécuter à ce moment-là? OK. Vous avez raison, les deux voix ont raison. Il persécute les saints. Jésus dit, tu me persécutes. Paul, en persécutant l'Église, il persécute Christ. Puis je veux dire juste, c'est pas ironiquement là, mais c'est pas juste parce que c'est pas un concept poétique où ça fait beau, c'est la réalité là. Quelqu'un touche à Dina, quelqu'un touche à Jésus directement. Elle est sa sainte et bien-aimée. Elle est son élue. Quelqu'un lui fait du tort, il fait du tort à Jésus-Christ. C'est dread de... Paul, maintenant, l'effet contraire. Maintenant, il est converti à Christ. Il sert Christ. Maintenant, c'est lui qui subit les coups. Qui est-ce qui les subit? Jésus-Christ. Qui est-ce qui souffre à travers Paul? C'est Christ. Dieu a confié à Paul, Jésus-Christ plus particulièrement, a confié à Paul un ministère envers les nations, envers les non-juifs. Il établit l'Église, il annonce l'Évangile aux païens. Il y a deux contextes dans lesquels Paul expérimente la souffrance. Ces souffrances-là, peut-être c'est là l'ambiguïté des fois qu'on pense, là. Qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ? Christ a crié sur la croix, tout est accompli. Et vrai, tout est accompli. Il a accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut, notre salut. C'est réglé à la croix. Maintenant, l'Évangile est annoncé au monde. Et les souffrances que le peuple de Dieu expérimente, particulièrement ceux qui annoncent l'Évangile, mais tout le peuple, parce qu'on va le voir dans 1 Pierre, je vais vous le montrer dans 2 minutes, c'est les souffrances de Christ. Jusqu'à ce que Christ revienne, l'Église va souffrir. Pour son nom, si elle est fidèle. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas à cause d'eux, mais à cause du nom de Christ. Heureux si vous êtes persécutés à cause de mon nom pour la justice, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et particulièrement dans le contexte du ministère de Paul, qui est en train d'annoncer l'Évangile aux païens. Il souffre pour mettre au monde cette Église. Mais c'est Christ qui souffre à travers lui. OK? J'espère que ça clarifie. Parallèle pour aider, 1 Pierre. C'est ce qu'on regardait justement vendredi. 1 Pierre au chapitre 4, si je ne me trompe pas, verset 13. C'est écrit, « Réjouissez-vous au contraire, mais en fait, je veux dire au verset 12 pour le contexte. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc, ne soyez pas surpris de l'épreuve que vous expérimentez maintenant à cause du nom de Christ. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez, lisez avec moi, aux souffrances de Christ. » N'est-ce pas? « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Quand les saints souffrent, ils n'ont pas la souffrance de Christ quand ils souffrent pour son nom. OK? Est-ce que ça clarifie? OK. On continue. Paul a été fait ministre, serviteur de l'Église. Esclave, domestique, avec une tâche bien spécifique. Serviteur de l'Église. Selon la charge que Dieu lui a donnée auprès de vous, de nous, de l'Église de Colosse, afin qu'il annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Ce mystère, c'est plus précisément, comme tout le reste dans les Écritures, il se rattache à quelqu'un, et c'est à Christ. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. OK? Tout a été créé par lui et pour lui. Le mystère caché de tout temps, en Dieu. Regardez avec moi Éphésiens, les bien-aimés. Éphésiens, chapitre 1. Et je vais vous lire, comme je l'ai dans la version Louis II, mais je vais vous lire aussi quelques différence dans une autre traduction, juste ça nous aide à le comprendre un peu mieux. Chapitre 1, verset 7. Je m'en faisais un 3, excusez. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption, en Jésus-Christ, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je vous lis une autre traduction pour votre bénéfice. À partir du verset 9, la traduction Sommeur. Pour que nous connaissions le secret. Ça, c'est le mot mystère, le secret de son plan. Ce plan, Dieu l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, Christ. Je vous lis un extrait de, je pense que c'est, oui, c'est français courant. Paul dit, verset 9, « Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, je suis pas dans le bon verset, excusez-moi. Je suis dans le chapitre 3, là. Je vais le lire après. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Bon, c'est similaire. Ce que ça veut dire, C'est assez clair, là, il me semble, mais c'est que de tout temps, le plan de Dieu, le mystère caché, ce qui était secret dans le cœur de Dieu, le mystère de sa volonté, comme c'est écrit au verset 9 du chapitre 1 d'Éphésiens, et que Dieu voulait finalement accomplir au moment venu et de le rendre à son terme, c'est de réunir tout sous le gouvernement de Christ, de tout réunir en Christ, sous lui, d'avoir un seul chef de l'univers, Jésus-Christ. OK? Et ce que Christian a apporté la semaine passée, là où il n'y a plus de mur de séparation entre les Juifs et les Grecs, ils sont réunis sous un seul chef, Christ. Mais ce mur de séparation-là brisé, quand l'Église expérimente, l'Église, le peuple de Dieu, tous les saints, expérimentent l'unité, l'amour, une unité dans l'amour, mais qu'est-ce que l'Église est en train de dévoiler à tout le monde, au monde entier, puis à elle-même? Mais ce qu'il y a un seul chef, puis il est en train de dévoiler le mystère de Dieu, qui était de réunir tout sous Christ. On va essayer de clarifier. Dans Apocalypse, chapitre 10, il y a une perle dans Apocalypse 10, là, qu'il ne faut pas passer à côté, qui nous parle du mystère de Dieu. Dieu désire qu'on ait une pleine intelligence de ce mystère, sous toutes ses coutures, si je peux dire, sous toutes ses facettes. Il désire qu'on ait une pleine intelligence. Apocalypse, chapitre 10. Ça, pardon, je vais juste le retrouver dans mes notes. Verset 7. On va dire de 5. Il y a un ange que Jean voit debout, il est sur la mer, sur la terre, qui lève sa main droite vers le ciel. Et il jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et il y a ici un moment précis où l'ange dit au, quand le septième ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu, il va s'accomplir. C'est ce que vous avez lu, n'est-ce pas? On va au chapitre 11 maintenant, un petit peu plus loin. Là, le septième ange sonna de la trompette. Regardez bien, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le mystère de Dieu s'accomplit là. Le mystère de Dieu, ultimement, comme dit dans Éphésiens, qui était caché de tout temps, c'est de réunir tout sous le chef suprême, Jésus-Christ le Seigneur de l'univers. Et là, on le voit accomplir. Donc, le mystère de Dieu, il a en vue le règne de Dieu. Il a en vue l'établissement du royaume de Dieu. C'est ça l'accomplissement de ce mystère-là, qui a commencé quand Christ est mort sur la croix, et que ceux qui ont mis leur foi en lui sont devenus un seul peuple, eux qui étaient des ennemis auparavant. Comprenez-vous? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que quand il dit dans Éphésiens au chapitre 3, qu'on avait déjà vu, en passant là, pour quelques mentions de ce qu'on fait depuis quelques temps, on revient en 2003, soit dit en passant. J'allais dire involontairement de notre part, mais volontairement de par Dieu. Parce qu'en 2003, on était dans Éphésiens. Et ce que je vous dis aujourd'hui, avec une profondeur qui m'échappait en partie à l'époque, parce que Dieu continue à faire approfondir la vérité qu'il nous avait dévoilée, mais je vous dis avec beaucoup d'émotion. Chapitre 3, au verset 8, Paul dit, et on n'est pas loin de Colossiens, tout en passant, on est vraiment dans le cœur de ce que Dieu nous enseigne là. Il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Encore là, comme au chapitre 1. Mystère caché de tout temps en Dieu. C'était en cœur de Dieu. C'était là. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que quand Dieu a créé le monde, c'était dans son cœur. Parce que, comme Benoît l'a souligné avec justesse, quand il a souligné chapitre 1 de Colossiens, où c'est écrit que, au sujet de Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Quand le monde est créé, là, moi j'aime ça parce que c'est pas compliqué. C'est pour lui. Fait que je peux dire à mes enfants, quand Dieu a créé le monde, quand par Christ, il l'a créé pour Christ. Pour personne d'autre. C'est pour lui qu'il l'a fait. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, verset 10, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce qu'il dit ici, qu'on avait déjà vu en 2003, puis qui nous a vraiment bouleversés, là, c'est que quand on regarde, quand les anges, bons, mauvais, tout ce qui s'appelle autorité qui a été créé par Dieu, tout ce qui est domination, principauté, quand ils regardent l'Église, ils découvrent le mystère de Dieu qui était caché de tout temps, mais qui est maintenant dévoilé à leurs yeux. Comment? Ben, ils voient des gens qui étaient ennemis, aimer et adorer un seul Christ, un seul Seigneur. Voyez-vous pourquoi c'est important pour le Seigneur, l'unité de l'Église? On a-tu fini d'en parler? Jusqu'à la mort, les frères et sœurs. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On va-tu baisser les bras avant? Jusqu'à la mort. On n'a pas fini. Rémi? Amen. Fait que Rémi, il dit, il fait le parallèle avec quand Jésus parle, avant d'être livré, là, dans la nuit où il a été livré, où il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Fait que notre point de référence, c'est qui, là? C'est lui. Aimez-vous, comme je vous ai aimé, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est vraiment bon, Rémi. T'en plains ça? Fait que par l'Église, le monde sait qu'on est les disciples, mais en sachant que nous sommes les disciples du Seigneur, c'est que ça vient dévoiler le mystère caché de tout temps en Christ. Fait que quand, c'est pas juste pour les Colossiens l'appel à voir le, quand Paul il dit, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui, mais quand il dit, je veux que vous sachiez quel est le grand combat que je soutiens pour vous, nous aussi on a à découvrir c'est quoi le grand combat qu'il soutient pour l'Église. Parce que nous aussi, en comprenant le combat que l'apôtre a soutenu pour l'Église, le fruit de sa prière, on va l'expérimenter. Garanti. OK? Garanti. Et le désir, là je suis dans Éphésiens, je parle à mon livre, Colossiens chapitre 2, quand il dit, afin qu'on ait le cœur rempli de consolation. Parce qu'on voit un individu emprisonné pour la cause de Christ, qui donne littéralement sa vie, comme Jésus. Mais ça, c'est pas tant lui, mais c'est ce que ça nous montre de l'Évangile, ce que sa vie nous montre du mystère de Christ. Ce que ça nous fait comprendre et connaître de Christ. Paul ne veut pas que ce soit lui, là. Lui, c'est Christ. On sait qu'on a déjà dit, là. Et qu'en regardant ça, on soit unis dans l'amour. Et ce qui me frappait plus particulièrement, c'était enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est quoi C'est quoi le désir, l'intention, le but de la vie de notre frère qui est maintenant avec le Seigneur? Le but de Paul. Dans Philippiens, il pouvait dire, ce que je regardais comme une richesse, comme une gloire, ce qui faisait ma justice, mon importance avant, aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Chapitre 3 de Philippiens, verset 8. Pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est pour Christ qui a renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Écoutez bien, afin de gagner Christ. Le focus de sa vie, la concentration de toutes les parties de son corps, de son âme, de son esprit, c'est gagner Christ. Et ce à quoi notre frère a combattu avec les autres ouvriers, et ce à quoi j'espère toutes nous autres, on va combattre ensemble, et quand on annonce l'Évangile, et quand on regarde Gilles et moi, tranquillement, l'Église se rassembler à Saint-Denis, tranquillement prendre son envol. Quand on voit les saints, là, tranquillement, en train de dire, j'apprivoise l'Église maintenant. Quand on entend un frère dire, je suis content que vous occupiez de moi, tu sais. Mais on dit, merci Seigneur, parce que si je suis là, c'est parce que tu m'as poussé à aller, puis j'étais petit dans mes culottes quand je suis allé. Puis j'avais peur. Mais je suis allé sonner à la porte, tu sais. Merci Seigneur, parce que tu es en train de toucher et de ramener les saints à la maison. Parce que c'est là leur place, à la maison. Je parle au milieu du peuple de Dieu comme Christian s'est acharné à nous parler la semaine passée. La maison de Dieu, concitoyen des saints. Fait connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, c'est toute notre vie. Fait que si c'était le but de Paul, c'est le but de Dieu pour nous, en fait. Je priais le Seigneur au sujet d'aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, j'ai eu un échange avec Jésus cette semaine, j'avais aucune idée, là, vraiment aucune idée quoi apporter. Qu'est-ce que le Seigneur voulait? Et quand j'ai échangé avec Gilles, je pensais que c'était clair. Là, on se rend compte le vendredi, notre échange, puis j'étais plus mêlé qu'autre chose. Puis ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, je retourne chez moi, puis je dis, Seigneur, j'exprime au Seigneur ce que je viens de vous dire. Ça semblait être clair, puis là, les échanges, je suis mêlé. Père, je suis plus trop sûr de ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois comprendre? Puis je parlais à Dieu, notre Père. Tout à coup, il y a sa parole qui vient à l'esprit. Et il dit, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Et je dis, ouais, c'est ça, Seigneur. Je comprends que c'est ça que tu veux qu'on communique, que tu veux communiquer. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Bien-aimé, dans Colossiens chapitre 1, c'est écrit au verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître, il parle de nous, ses saints, OK? Il a maintenant révélé le mystère à ses saints. Il a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, les nations. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Deuxième aspect, pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il faut faire une pause et réfléchir à ces mots de Dieu. En lui sont cachés tous les mystères, okay? Tous les trésors, excusez, de la sagesse et de la science. Dieu dit dans Jérémie 9, 24 que si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. Ça, là, ça vient rentrer, faire le, comment dire, briser le mur de l'intelligence humaine. Ça vient briser le mur de tout ce que l'homme pense connaître lui-même. c'est briser le mur de l'ego. Vendredi, quand on parlait, un frère mentionne que dans notre relation avec le Seigneur, elle est collective, elle est individuelle, mais elle n'est pas individualiste. OK? Oui, elle est individuelle parce que Michael, son Seigneur, peut lui parler personnellement. Il a une relation intime avec son Seigneur. Mais Michael, il fait partie du corps de Christ, une collectivité qui s'appelle le corps, l'Église, où Christ demeure. Mais s'il a une relation individualiste, ça veut dire égocentrique. C'est moi qui compte, plus que toutes les autres. Ça, c'est pas la relation à laquelle Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Mais Dieu dit, si quelqu'un veut se glorifier, glorifie-toi, Roger, de connaître le Seigneur. C'est d'intelligence, ça veut dire, je te connais, Seigneur, merci. Merci de t'être révélé à moi. Puis tu peux dire, je suis convaincu, tu peux dire avec moi, comme dans Proverbe 30, je suis plus stupide qu'aucun homme. Je n'ai pas la sagesse des saints. Hein? Mais du moment où tu dis ça, le Seigneur, il vient te dire, c'est vrai, Roger. Mais moi, je suis ta sagesse. Moi, je suis ton intelligence. Moi, je suis ta richesse. Je suis ton trésor. Et par trois fois, dans la même journée, depuis que je me suis réveillé ce matin, le Seigneur m'a ramené Proverbe 2, que j'ai lu tantôt. Lui, c'est pas. Mais c'est la troisième fois que ça me revenait à l'esprit, ben pas à l'esprit, devant les yeux. Et j'aimerais le reciter, OK? Parce que je crois qu'il est vraiment à propos pour ce qu'on est en train de dire. En passant, Proverbe 30, juste vous donner ce que je viens de citer pour ceux qui prennent des notes, là. C'est Proverbe 30, là, mais les versets, pour votre bénéfice, c'est verset 2 et plus. Proverbe 2, mais, ouais, on va lire, du verset 10. Mon fils, si des pécheurs, non, c'est pas là que t'as lu, 2-1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches, la sagesse, comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, parenthèse, qui êtes-vous en train de poursuivre, là, à ce moment-là, là? En lisant ça, qu'est-ce qu'on est supposé poursuivre? On continue, à la lumière de Colossiens. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance, quelle connaissance? La connaissance de Dieu fera les délices de ton âme. Et la connaissance de Dieu, Jésus lui-même nous a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Si quelqu'un, il dit, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui dans Jean 14, je pense. Et il dit aussi, je me ferai connaître à lui, à celui qui l'aime. Et la sagesse du Proverbe 2 en question, c'est Colossiens 2. Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça me dérange dans ma vie là quand j'attribue à quelque chose que je pense comprendre une compréhension humaine. Et je suis sûr que ça vous arrive aussi. Que Dieu nous donne une pleine intelligence puis un discernement pour dire non, je suis pas en train de donner la gloire à Dieu là quand je dis ça ou je fais ça. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand, dit le Seigneur dans Hébreux 8 et dans Jérémie, je pense, 36. Mais c'est frappant cette parole-là, les frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi? Parce que ça parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur, en dedans, d'une connaissance par expérience, d'une connaissance précise du Seigneur. Où j'ai plus besoin de dire à Mélissa, connais le Seigneur. Non, parce que le Seigneur lui-même la connaît Et elle le connaît. Ce que j'ai besoin en tant que frère, c'est de lui rappeler qu'elle connaît le Seigneur. Lui rappeler, regarde, notre Seigneur, il a dit cela, celui qu'on connaît. N'est-ce pas? Et ce que Gilles avait apporté il y a quelque temps déjà, quelques semaines, dans Colossiens, c'était particulièrement qu'est-ce qu'on découvre de Dieu dans la prière que Paul et Timothée font pour l'Église de Colosse. Et une des choses qui est mentionnée, c'est le fait que vous croissiez, croissant par la connaissance de Dieu. Et j'aime ce mot-là, connaissance, parce qu'il vient plusieurs places dans les Écritures, entre autres dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, il y a quelques années, quand je lisais, j'étais frappé au début de la lecture, qui dit connaissance. Il dit au chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 1, au verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Fait que la grâce et la paix vont nous être multipliées, que Dieu dit, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Puis c'est encore là une connaissance précise, une connaissance exacte, une connaissance profonde, une connaissance par expérience. Une connaissance par désir, ou connaître Dieu, c'est les délices de mon âme, de notre âme. Et où, quand les Colossiens se rassemblent, quand les Hilermontais se rassemblent, quand les Belleuillois se rassemblent, quand les Dionysiens se rassemblent pour adorer leur Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est l'Église, à ce moment-là, quand ils se rassemblent, ben leur focus, c'est les paroles de Christ. C'est des hymnes à leur Seigneur. C'est l'amour les uns pour les autres à cause du Seigneur qui est en chacun. Et où les délices de l'âme de chacun, c'est Jésus. Et où l'attente suprême de chacun, c'est Jésus. OK? Pas en train de rêver, là. C'est la vérité, là. J'espère que ce n'est pas un idéal où on... Non, je crois sincèrement que Dieu nous fait déjà goûter à ça et veut nous amener plus loin. Il veut qu'on ait une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Tout ça parce que les saints, Dieu dit, 1 Corinthiens 6, ils jugeront le monde. Avec qui Jésus-Christ va juger le monde? Avec ses saints. Et ses saints, c'est nous. À qui a été donné le monde à venir? À des anges. Hébreux 2 nous dit, c'est pas des anges, ça a été donné. À qui sont donnés tous les royaumes de la terre? À Christ et à ses saints, à son Église. Donc, tout ça en préparation de l'établissement du règne de Dieu, ou le dévoilement complet du mystère caché de Dieu, de réunir toutes choses en Christ, en un seul chef, va être montré à la face de la terre. Nous, on le sait déjà. Nous, le royaume de Dieu est déjà établi en nous. Et si on va encore dans Philippiens, encore chapitre 3, il dit, ce n'est, verset 10, encore le but de Paul, afin de connaître Christ, Philippiens 3, 10, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix, la vocation céleste, l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Son but, connaître Christ, encore, le saisir. Éphésiens 4, 11 à 16, un autre des passages avec lequel Dieu nous a bouleversés, pour la sainte compréhension de l'Église. Il dit, il a donné, Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est quoi le désir encore? C'est quoi le but? L'unité de la foi, unité, je dirais, entre parenthèses, la connaissance du Fils de Dieu, qu'on connaisse le Fils de Dieu ensemble de la même manière. Ou je dirais qu'on connaisse toutes les richesses incompréhensibles de Christ ensemble. Quand ma sœur me parle de Jésus, quand mon frère me parle de Jésus, quand ensemble on se parle de Jésus, quand ensemble on expérimente la foi en Christ, bien on apprend à connaître Christ, des facettes du Seigneur que je peux pas connaître juste moi-même tout seul. Puis c'est ce qui a frappé quelqu'un à Saint-Denis, cette vérité-là. Il a regardé Gilles, il a regardé Michel, il les a côtoyés séparément, il leur a parlé, puis il a dit à une autre personne, ils sont différents, hein? Oui, ils sont différents. Mais ils sont différents, puis ça le confond. Ils sont différents, Michel et Gilles. Ils sont différents dans leur personnalité, ils sont différents dans les dons que Dieu leur a accordés, ils sont différents dans l'expérience de vie qu'ils ont, dans les connaissances tant humaines que de la parole, mais pourtant, ils servent Christ ensemble, puis ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre ensemble, pour l'autre. Ils servent le même Seigneur. Ça, c'est confondant. Mais dans le bon sens. Si je parle de ça, c'est pas pour mettre Gilles et Michel de l'avant. C'est pour montrer que quand on est un en Christ, et quand on met au service les uns des autres, du service de l'Église et du monde, qui nous sommes, bien ça vient, par la grâce de Dieu, confondre. Puis la beauté à Saint-Denis, c'est qu'on est deux pasteurs, deux anciens, deux bergers, de l'Église, bien petite qu'elle soit. Fait que la référence, c'est pas un seulement, c'est les deux ensemble. Comme quand on regarde l'Église, c'est pas juste Geneviève, c'est toutes nous autres. C'est quand on regarde l'Église qu'on voit la sagesse infiniment variée de Dieu, qu'on découvre son mystère. Fait que je me rends compte en vous exprimant tout ça, que c'est indissociable notre connaissance personnelle de Christ et l'Église, et notre part personnelle et notre part dans le corps. C'est dur de dissocier tout ça. Bien que c'est au chef qu'on est attaché, c'est le corps qui grandit dans la charité, dans l'amour. C'est un mystère, hein, Dieu a dit. Il nous l'a révélé, mais même s'il nous l'a révélé, on reste petit comme ça, devant ce temps de grandeur. J'aimerais vous lire 1 Jean, et je pense que je vais terminer avec ça. 1 Jean résume un petit peu ce qu'on vient de dire en d'autres mots. J'espère qu'à ce point-ci, Dieu nous a aidés. Mais je sais qu'il nous a aidés. Mais ma prière, c'est que tout ce qui a été dit contribue à ce qu'on ait une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20, OK? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous, parce que vous connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Juste là, Jean, par l'Esprit, nous dit, je vous ai écrit pas parce que vous connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez que je vous ai écrit. Verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. J'aime ça. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Ça, c'est un appel à demeurer dans ce qu'on a entendu. À demeurer dans la parole de Christ. À pas se désaligner. À pas sortir de ce que dit, de ce qu'il a dit. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, il y en a qui vous égarent. Il y en a qui nous égarent, qui veulent nous égarer. Et c'est exactement la suite de Colossiens de ce qu'on a lu ce matin. Je vais vous le montrer tantôt, vous allez voir. Pour vous, verset 27, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Son onction, c'est son esprit en nous. Que Jésus lui-même a envoyé de la part du Père. Gage de la gloire de Christ. Son onction, c'est l'esprit de Dieu. La présence même de Dieu en nous, qui nous conduit en toute la vérité. On n'a pas besoin de dire « connais le Seigneur ». Son esprit lui-même témoigne à son esprit qu'elle le connaît. Verset 28, 1 Jean 2. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui, le Seigneur. Il n'a pas connu le Seigneur. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors, si on va, ainsi donc, frères, comme des élus de Dieu, Colossiens 3, 2, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraille, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps habite en vous, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, faites-le par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques de l'Esprit, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Laissez-la, cette grâce-là, produire ce qu'elle a produit dans nos cœurs. Don't hinder it, ne soyez pas un obstacle, un frein à elle. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, Dieu dit. Pas d'amertume, pas de rejeton de toute cette saleté qui vient de la chair. Christ nous a appris à nous dépouiller de ces choses-là. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, Père, on veut te rendre des actions de grâce qui te sont dues à toi seul, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, Seigneur, qui de toute éternité, avant même que t'aies créé le monde, t'avais un plan caché dans ton cœur, puis c'était de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans le ciel que sur la terre. C'était ton plan, Seigneur, tu l'as mis à exécution. Tu dis que c'est ton plan bienveillant, dans ta bonté. C'était ton dessein, Seigneur. Et gloire à toi que tu vas l'accomplir, on le voit dans l'Apocalypse. Tu dis, maintenant, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Tu dis que Dieu a pris possession de son règne. Gloire à toi, Seigneur. Et Seigneur, prends possession. T'as pris possession de nous, qu'on soit pas un frein à... On est ton territoire, on est le lieu de ta domination, Seigneur. Notre âme t'appartient. Moi, le premier, Seigneur, que je sois pas un obstacle à ton règne. Père, continue à nous bénir de ta connaissance. Continue, Seigneur, à nous fortifier par ta force glorieuse. Et Seigneur, continue de nous persuader de ta volonté. On a tellement besoin de savoir c'est quoi ta volonté. Et Seigneur, je te supplie que nous, tes saints ici, on soit affermis puis qu'on soit, comme tu dis, toujours et avec joie, persévérant et patient. Je t'en supplie, Seigneur. Et Seigneur, tu sais, tu connais mes faiblesses, tu connais les faiblesses de mes frères, mes sœurs. Mais en même temps, on connaît ta grâce. Et je te prie, Seigneur, que ta grâce soit pas vaine envers nous. Seigneur, je sais qu'elle est pas vaine, mais je veux dire que nous, on en voit la valeur. Amen.